Leçon 8B, exercice 3. Jeu de son. 1. Appeler. Appelons les amis qui aiment les fêtes. Vous appelez Cathy et moi, j'appelle Annette. 2. Acheter. Qu'est-ce qu'on achète pour les amis ? Achetons des baguettes et des spaghettis. 3. Payer. Qui paie pour la fête ? Vous payez les baguettes et moi les spaghettis. C'est oui ? C'est oui. 4. Commencer. Manger. Commençons la fête. Mangeons des baguettes et des spaghettis. Non, merci. Quand c'est la fête, je ne mange pas de baguettes. Mais pour les spaghettis, c'est toujours oui.